Dis Bibounette, tu veux faire quoi aujourd'hui? La même chose que tous les mois, mon Bibou. Faire un petit podcast. Bibou. Bibou et Bibounette, psycho! Memento! Bizarro! Bonjour ma bibounette. Bonjour mon bibou. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très très bien et toi? Ça va très bien, ouais. Ouais, ça va bien. Et épisode spécial aujourd'hui. Épisode spécial. Ouais. Spécial. Alors d'abord, permets-moi de te dire que tu es très en beauté aujourd'hui. Et non mais il faut arrêter avec ça. Je veux la nouvelle Xbox. Voilà, maintenant on y arrive, il y avait bien un truc à tout ça. Tu veux la nouvelle Xbox? Ouais. Ou alors on peut trouver un petit compromis, l'amiibo Mario Chat de Super Mario 3D World. Comme ça, on arrête un peu avec ces conneries de très embouté, machin. Voilà. Non, moi j'aime bien, t'es très embouté, ouais. Moi j'aime bien. Mais t'es vraiment très jolie. Oui, toi avec aussi. Ton petit t-shirt. Mondo Bizarro, et toi et aussi, oui. T'as un super t-shirt avec le coupe-chou Mondo Bizarro, ouais. Qu'on a pris en soutien pour la fermeture du Mondo. Le ton solennel que tu as là. Ouais, je sais, mais ça fait bizarre quand même. C'est quand même une scène légendaire qui ferme, et voilà. C'est ça. Donc, expliquer rapidement, c'était la salle de concert punk rock garage en fait de Rennes, qui était là depuis, il me semble, 18 ans. Bah c'est ça, tout à fait. Ça fait vraiment bizarre de se dire que voilà, le Covid a vaincu le Mondo, quoi. A eu raison de cette salle de concert qui avait peut-être déjà quelques difficultés depuis quelques temps, mais là cette année ça a été Ça a été le couperet, quoi. Ça a été la guillotine. Et puis ben après voilà, Bruno a pris aussi la décision de, même s'il avait eu toutes les aides pour continuer, il avait pris la décision aussi d'arrêter, de tourner cette page de sa vie. Et on a une émission maintenant qui va parler aussi du Mondo, de groupes que nous on a vu ou que toi t'as vu aussi tout seul. Bah ouais, parce que depuis qu'on se connaît, on a été énormément de fois au Mondo tous les deux. Tout à fait, on a fait des soirées ska, on a fait des soirées rock, on a fait vraiment des soirées très différentes au Mondo. Et on avait toujours un petit rituel. On avait plein de rituels. C'est vrai que de là où on habite, en fait, on est vers le cimetière de l'Est. Et en fait, pour aller au Mondo Bizarro, c'est simple, tu sors de chez nous, c'est à gauche et tout droit. Ouais. C'est très facile, c'est toujours tout droit. Il y a quoi, 20-25 minutes de marche? Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, pour nous, c'est rien du tout. Et c'est vrai qu'on passait énormément de temps sur le trajet, soit à acheter des bières, à cacher des bières aussi. Ah, on a 2-3 endroits devant le Mondo, petits arbustes là où... Où vous pouvez planquer les bières pour pouvoir ressortir les boire quand on ressortait. C'est ça. On va fumer une clope, on va chercher deux, trois bières en même temps. Ça m'est même arrivé de trouver des planques d'autres personnes qui planquaient des bières, et là c'est jackpot, quoi. C'est c'est pas mes bières, ça. Ah, tiens, une petite lèvre. Une petite lèvre alors. Tant pis pour lui. Non. Puis énormément de souvenirs et d'ambiance et de découvertes de groupes et de tout en fait, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ils pouvaient passer des petits groupes complètement locaux, des petits groupes qui démarraient, comme des groupes absolument mythiques, en fait, pas forcément français, en fait. Exactement. Très tournés vers l'Est, l'Angleterre et les États-Unis, bien évidemment. Principalement, oui. Mais c'est vrai que Bruno a toujours fait en sorte qu'il y ait une certaine diversité au niveau musical, quoi. Il y a même des groupes de métal qui ont commencé au Mondo. Oui, c'est ouvert au métal depuis quelques années. Tout à fait. Au rock, au métal, au ska aussi. Bah, bien sûr, tu peux pas écouter... Enfin, moi, je trouve que ça va vraiment ensemble, quoi. Le rockab et le ska, ça va ensemble. Bien sûr, tu commences souvent ta soirée avec du ska et tu l'as fini en... plus énervé. Quoi. Un truc qui déchire, quoi. C'est clair. Mais ouais, quand j'ai vu ça, ça m'a fait un peu mal au cœur. Alors, non pas qu'on y allait énormément... Bah, moins que certaines personnes sur Rennes, ça c'est sûr. Évidemment, quoi. Mais je sais pas comment dire. Moi, je trouvais ça réconfortant de savoir que cette salle existait près de chez nous. Tout à fait. Te dire, bah voilà, j'ai que 20 minutes à faire et puis j'y suis, quoi. Et puis je peux y aller en fin d'apéro. J'ai pas à me soucier de est-ce que je dois pas boire pour conduire ou ce genre de choses. Tu vois, à l'inverse de l'Antipode qui est au fin fond de Clenay. C'est un peu plus loin déjà, tu vois, c'est un vrai chemin là pour y aller, quoi. Donc voilà, c'est une passe qui se tourne. Exactement. Et ben on va trinquer quand même pour le Mondo, pour Bruno, pour toutes ces années santé ma bibounette qu'il a offertes. Carrément. Santé mon bibou. Ouais. Ah, fait toujours du bien cette petite bière. Hein. Oh oui. Oh oui. Écoute, est-ce que tu veux qu'on s'écoute un premier morceau ? Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Ouais. En plus, on a fait pas mal de... On a dû faire du choix. On a dû choisir. On a... C'est pas évident de choisir des groupes qui sont passés au Mando, parce que bah, le Mando, c'est quand même 200 concerts bah, par semaine, je crois. À l'année ? À l'année. 200 concerts par semaine, ça serait compliqué. Oui, ça serait très compliqué, mais c'est 5-6 concerts, par semaine. Par semaine, c'était voilà. Absolument fou. Quoi. Donc ouais. C'était de la folie, donc c'est très compliqué de choisir. Donc du coup, on a choisi un peu les groupes que nous, un peu nos chouchous, en fait. C'est ça. Clairement. Hein, alors, clairement. Des groupes qu'on n'a pas forcément vus au Mando, mais qui sont passés au Mando. Oui, c'est et vrai. Et d'autres, oui. Et d'autres, oui. D'autres que toi, tu as vus seul. Oui. Voilà, et d'autres qu'on a vus ensemble. C'est ça. Voilà. Eh bien, écoute, je te laisse commencer, effectivement... La petite playlist. Ouais, on va commencer avec un groupe qui s'appelle UK Subs. D'accord. Qui est un groupe de punk britannique originaire de Londres, formé en 76, qui était un groupe un peu chouchou de Bruno, mm-hmm. et qui sont passés plusieurs fois en fait au Mondo Bizarro, donc en 2008, en 2013 et en 2016. Que ouais, quand même. Moi, je n'ai pas vu au Mondo Bizarro. D'accord. Malheureusement, j'aurais bien aimé, j'ai dû louper ça, quoi. Le groupe joue à plusieurs sessions musicales de l'animateur John Peel. John Peel, ça te parle peut-être. C'était un animateur qui a fait découvrir dans son émission des artistes comme Bowie, The Smiths et Joy Division. Ok. Je sais pas, tu te rappelles du film si, Control je... Ouais, on le voit justement qui présente justement Ian Curtis. Voilà, Joy Division. Ouais. C'était leur premier passage à la télé. Tout à fait. Moi, c'est un groupe que je connaissais pas avant. Je l'ai personnellement découvert dans l'OST du film This Is England. Oui. Tu vois quel film? Très très bien. Film et série d'ailleurs aussi. Et avec la série qui a suivi, ouais. Le film, exactement, quoi. Avec Woody. Eh oui. oui. J'ai envie de le revoir du coup. Ouais, ouais. Mais à chaque fois. Donc voilà, UK Subs, d'un groupe mythique du punk 77. Je te propose d'écouter le morceau Warhead, un des morceaux les plus connus de l'album Brand New Age, sorti en 1980. Eh ben allons-y. C'est parti. Yeah. Ah, je revois clairement des images de This Is England quand même. Hein. Ouais. Ouais. Je suis un peu dégoûté d'avoir loupé ça au Mondo, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Ouais, bah, c'est le jeu. Il y a beaucoup de concerts qu'on a loupés, où on a vu les affiches après. On s'est dit, putain, c'était il y a 2 semaines, on l'a loupé. Ça nous arrivait quand même quelques fois. Bah ouais, puis, mais à 5 concerts par semaine. Tu peux pas être sur tous les fronts et être partout, quoi. Et tu vois, j'arrive justement à la musique que j'ai choisie, la deuxième. C'est aussi un groupe qui est passé au Mondo. Et qu'on a vu, par exemple, à la salle de la Cité. Oui, au moins, enfin, on les a vus. Mais on les a vus, voilà. Donc, Démenti d'Argot, ça, c'est mon petit choix. Oui. Donc, eux, à force de les passer dans l'émission, je pense qu'à un moment, je vais arrêter de les présenter. Donc, on l'avait passé dans le premier épisode, je crois. Ouais. Donc, je vais quand même vous sortir quelques petits trucs. Mais toujours sans m'étaler sur les problèmes de Sparky. Oui, un individu un peu compliqué. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc on va s'écouter la petite chanson Bebop Lula de 86, qui vient de l'album In Sickness, In Health, dans la maladie et la santé. Démenti d'Argot, donc toujours un groupe de psycho, originaire de Cardiff. Pour eux, c'est 14 albums, 4 albums live, toujours les 4 membres, dont un complètement barré. Qu'on reconnaît énormément à son énorme tremplin et à son maquillage, Sparky. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus sur le groupe parce qu'on a dit qu'on ne parlait pas de choses très perso et des anecdotes perso sur Sparky, il y en a beaucoup. Ouais. Bon, une petite quand même. Les facites, t'as envie de le faire. Ouais, allez, il a été en prison, donc ils sont originaires du Royaume-Uni et ils ont fait une tournée aux États-Unis. Et il a foutu la merde là-bas et il a mis la main aux fesses d'une fille dans un centre commercial qui était mineure, donc il a été arrêté. La caution s'élevait à 60 000 dollars, donc personne ne pouvait payer la caution de Sparky. Et le groupe l'a laissé et ils sont rentrés au Royaume-Uni. Et Sparky est sorti un an plus tard pour 100 dollars de caution. Sparky. Ah là là. Donc c'est quand même un groupe où il y a eu une coupure pendant un an. Ils ont aussi fait en 95 et ils ont failli se reséparer, mais ils ont signé avec une grosse majeure. Donc du coup, ils sont quand même restés ensemble, malgré les problèmes de Sparky au niveau de la drogue et de sa bipolarité surtout. Ouais, ok. Voilà. D'accord. Donc on va s'écouter Démenti d'Argot, Bebop Lula de 1986. Décrasse, hein. Ah, Démenti d'Argot. Ah, Démenti d'Argot. Je nous revois à la Cité avec la flasque de whisky. Mais tu vas raconter tous les trucs comme ça. Oh, ça va, c'est une petite anecdote perso, ça va. Que ceux qui n'ont pas bu n'écoutent pas le podcast. Que ceux qui ne seront pas rentrés avec une flasque de whisky à la cité, hein, nous jettent la première pierre. Non, nous jettent la première bière. Oui, exactement. Oui, Bibou. Ah, Démenti d'Argot. C'est un groupe de psychobilly que j'adore énormément. Ouais, c'est pareil. D'ailleurs pour ça que notre chien s'appelle Démenti. Notre fille. Ouais, notre chien notre Fifi. Bébé. Hein. Et, mais un jour, je ferai un épisode que sur le psycho, parce que ça, c'est un genre musical que peu de gens connaissent vraiment. C'est vraiment la suite logique, on va dire, un peu punk du rockabilly des années 50, d'Elvis. C'est la fameuse émission aussi que j'aimerais bien faire, justement, le Rock Up 50, quoi. Ouais, j'aimerais beaucoup. Tu vois, les prémices, quoi. Bah, tu vois, ce morceau, c'est tiré d'un morceau de Gene Vincent. C'est ça, ah, ouais. Bebop Lula. Des années 50. Que tout le monde connaît, quoi. Bah, que tout le monde connaît, évidemment, quoi. Ouais, ouais. Bon. Qu'est-ce que tu nous as choisi pour ce troisième petit morceau? Qu'est-ce que je nous ai choisi? Qu'est-ce on va que s'écouter ça va un petit morceau de Frustration. Ah yes, aussi vu en concert. Aussi vu en concert. Ouais. Ils sont passés aussi au Mondo. Ils sont passés au Mondo. Plusieurs fois d'ailleurs, je crois. Ouais, on les a vus ensemble ou pas? Pas au Mondo, on les a vus à l'Antipode. Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. À Cloné, au fin fond de Cloné. Au fin fond de Cloné. Donc Frustration, c'est un groupe français, un groupe parisien, de punk rock et cold wave. Donc fondé en 2002 sur le label très connu Born Bad Records. Yeah. Frustration, on est sur un son très, très métallique et une ambiance assez sombre, en fait, un petit peu pesante. Énormément influencé par des groupes comme Killing Joke, The Fall ou Joy Division, évidemment. Bien sûr, on ressent bien l'empreinte d'ailleurs quand on les écoute, quoi. Ouais. Plus la version, enfin, le côté électro, quoi. Complètement, ouais, très cold wave, très... ouais, ouais, ouais. Tout à l'heure, je lisais un article dessus et quelqu'un parlait d'une musique même oppressante. Et je suis par pas moment, complètement en désaccord moment, avec ouais. ça. Quoi. C'est assez lourd, en fait, comme groupe, enfin comme morceau. Quoi. C'est un groupe, à l'époque, qu'on a découvert au cinéma avec le morceau Blind dans l'OST de La Guerre est déclarée. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais. Si, si, si, je me souviens. Mais je ne savais pas, à ce moment-là, que c'était Frustration. Ah oui, et d'accord. Après, voilà, tu découvres... Tu découvres le groupe, tu découvres ouais, leur ouais, musique et ouais. tu découvres leur univers, quoi. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Écoute, moi, je te propose le morceau Relax. Ah, yes. Sur l'album Relax. Et Relax. En 2008. Ah, ça va être bon, ça. On s'écoute ça. Sois relax. Allez, on y va. Quand je t'ai découvert, tu écoutais vraiment beaucoup, beaucoup de rock, de rockab, et moi plus de l'électro, même si j'avais mon bagage rock. Mmh. Et le jour où tu m'as mis Frustration, je me suis dit, mais tu écoutes aussi de l'électro. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit coup. Ouais, ouais, non, mais alors c'est un peu ma limite. Hein. Ouais, mais c'est ta limite, ouais, mais il y a des morceaux qui sont encore plus électro que celui-là, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et où je t'ai vu même danser dessus, quoi. Mais ça balance tous les dossiers. Ça balance les dossiers. Quoi. D'ailleurs, moi, j'ai choisi un petit morceau qui n'a rien du tout à voir avec l'électro, que lui, on a vu au Mondo, par contre. Oui. On a vu au Mondo, Mr. Bones, un René. Eh oui. Un René au Mondo. Et on l'a vu, alors je ne sais plus en quelle année c'était, mais de toute façon, c'est quelqu'un qui passait souvent au Mondo. Il est passé en 2006, il est passé en 2016. Donc, il est passé vraiment assez souvent. On le voyait souvent dans les bars de Rennes, régulièrement, en fait, faire ouais. son petit show. Quoi. Tu le crois souvent, en fait, Mr. Bones, donc c'est un René. Et c'est un one-man band, en fait. Il joue de la grosse caisse, de la caisse claire, du charlet, du tambourin, de l'harmonica, du kazoo, de la guitare. Et en plus, il chante. Ouais. Donc, ça fait quand même 8 choses à la fois. C'est toujours impressionnant à voir le dispositif qu'il a devant lui, en fait, quand il commence son concert avec la... Avec tout son matos de batterie au niveau des pieds, en fait. Quoi. Ça commence au pied et ça finit au niveau de la bouche. Mm. Et c'est impressionnant. Donc, quand on dit qu'un homme ne peut pas faire plusieurs choses à la fois, c'est pas vrai. Lui, il en fait 8. Donc... pas en même temps. Mais... ah, mais il fait beaucoup de choses en même temps. Donc, il y a les pieds, il y a les mains, il y a la bouche. Non, il fait vraiment beaucoup de choses en même temps. Moi qui faisais un peu de guitare, j'ai jamais réussi à chanter en même temps de jouer de la guitare. Alors, j'imagine faire de la batterie en plus, ça m'a toujours impressionné, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que c'est une énergie, mais débordante, quoi. D'ailleurs, il est classé en psychobilly trash. Ah oui, ouais. Voilà. Pas étonnant, ouais. Donc, on va s'écouter I'm Alone. D'accord. De l'album Playing with String, qui est sorti en 2015. Ok. Et bah, écoutez... Et bah, kiffez bien, les amis. Ah, ma bibounette. Le bonheur. Tu m'as fait découvrir Mr. Bones. Bon, bah, quand on s'est rencontrés, en fait, dans ta petite, dans ton petit appart rue du Maréchal Joffre, tu m'as fait découvrir justement ce fameux vinyle de l'homme sans os. Orchestre. Ouais, The Man Without Bones de 2008. Et franchement, ça a été un pur régal. Et je t'ai dit, oh, y a moyen de le voir en concert. Tu m'as dit, bah écoute, ouais, il passe souvent au Mondo et on l'a vu. Mais on avait parlé avec lui au Mondo et c'est un mec adorable. Quoi. Ouais, il est adorable et puis vraiment. Puis il envoie quoi. Et il envoie du pâté quoi. Je crois qu'on a choisi une des chansons les c'est plus calmes. C'est exactement ce que j'allais dire parce que quand il décide de s'énerver un petit peu, ça envoie bien quoi. Mais franchement, allez-y, éclatez-vous, récupérez les chansons de Mr. Bones, vous allez vraiment passer un super bon moment, même pour ceux qui aiment pas trop le rockab et tout. C'est vraiment quand vous aimez les instrus et le one man band, franchement, c'est un pur régal. Ouais. Mmh. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous proposer maintenant, mon bibou ? Je vais vous passer un petit morceau des Fleshtones. Ah yes. Alors, Fleshtones, c'est un groupe de garage new-yorkais fondé en 76. Quand même. Par contre, on est sur du, je veux dire, gros level. C'est un groupe mythique de garage, quoi. On est sur un des groupes fondateurs du mouvement Garage, justement. Garage, je ne sais pas si vous vous rappelez du premier épisode qu'on avait fait, on avait passé des Sonics. Tout à fait. Voilà. Et c'est un groupe qui a démarré dans sa carrière au mythique CBGB. Donc le mythique. Un bar-concert absolument mythique à New York. Avec un son très, très 60s. Donc ça veut dire deux saxophones, un orgue, de la guitare fuzz. Ouais. On retrouve le fameux orgue aussi dans Les Doors, je crois. C'est à peu près la même époque, en fait. Quoi. Okay. Ouais, tout à fait. Ouais. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai pas noté grand-chose de plus. En fait, si vous voulez vous y intéresser et si vous avez aimé ce morceau, je vous conseille vraiment l'excellente compilation Living Legend, qui comporte tout ce qu'a enregistré d'essentiel pendant ces premières années du groupe. Et c'était un groupe qui passait assez souvent au Mondo aussi. Souvent, non, il est passé une fois de façon exceptionnelle parce que vraiment, là, on est sur un très très grand groupe et Bruno, il a la chance de pouvoir les avoir. Et t'y étais ? Et non, j'y étais pas. Ah non ? Mais c'est pas ceux-là que t'étais allé voir ? Non, c'est les Fuzztones que j'ai vu. Qui est un autre groupe que j'avais passé dans le premier épisode et je repasserai parce que j'adore ce groupe. Mais non, j'étais pas aux Fleshtones, je suis un peu dégoûté. Bah écoute, c'est des choses qui arrivent. Ça fait partie des concerts loupés. Et oui, il y en a tellement, mais c'est comme ça. C'est ça. Donc du coup, là, on va s'écouter quoi, mon bibou ? On va s'écouter le morceau American Beat 84 sur l'album Blast Off de 1982. Ah yes, très bonne année. Tu es prête ? Très prête. Très prête. Je vais chercher une petite bière. c'est tellement bien, les Flesh Tunes. Ah, ça décrasse, ça fait du bien. Ouais. C'est pas un décrassage violent. Non, il y a du sac, il y a des cuivres, je trouve ça cool, quoi. C'est clair, c'est hyper agréable, en fait. On va revenir un petit peu au Mondo Bizarro. Oui. Dans Mondo Bizarro, il y a le mot bizarro. Est-ce que bizarre, ça te parle, ça, bizarro? Bizarre. Non, non, ça te... vraiment, ça te dit rien? Ah si, bah si. Bah, je sais d'où vient le nom de... Ah ouais, non, du moi, bar. Je te parlais pas de ça. Je te parlais de petit rituel qu'on avait dès qu'on allait à un concert du Mondo Bizarro. On se commandait un bizarro. Oui. Tu t'en rappelles? Oui. C'est un alcool enflammé. Alors, c'est de la vodka ou... J'ai jamais su ce que c'était. Je sais pas, je crois qu'il y a du... Enfin, ça t'arrache, quoi. Tu te fais un blackout après. Hein. Alors, c'est un shooter. Bah, justement, je vais en parler après. Quoi. Le Bizarro, c'est un shooter de, on va dire, vodka, ah je non. sais pas trop quoi. Mais tu peux pas le boire comme ça, t'es obligé de le boire avec une paille. Pourquoi? Parce qu'il te l'enflamme devant toi. Voilà. Et tu aspires tout, quoi. C'est et ça. Et c'est trop bon. Ouais, mais tu fais des blackouts après. Ah ben, moi, je t'ai vu dormir devant le Mondo Bizarro après une soirée. Par terre. Par terre, ouais, ouais. Sur la route, limite. Quoi. Alors, faut se dire que ce shooter, il y a un avant et un après. C'est vraiment, non, mais vraiment, c'est ça, quoi. Il y a l'avant-soirée. Et il y a le après, et y a le bizarro. Qui, voilà. Qui, c'est complètement distinct comme. Complètement. C'est deux mondes parallèles, parce que tu reviens dans un taxi aussi. Oui. Alors que tu es venu à pied. Enfin, tu reviens, tu te rappelles même pas. Non, moi, sûr. Je me souviens pas. C'est ce que vous m'avez raconté. Ça va me manquer, ça. Ça va me manquer. Mais on pourra se faire enflammer des cocktails à la maison, si tu veux. Ouais. En mémoire. Ouais. Du Mondo Bizarro. C'est ça. Faut que Bruno, il lâche la recette, surtout. Ouais. Ouais. Ah là là. Bah, moi, je nous ai choisi The Magnetics comme prochain groupe. D'accord. Alors, The Magnetics, on les a vus au Mondo. Oui. On les a vus le 20 mars 2014. D'accord. C'est un petit groupe qui a été formé à Bordeaux en 98 par Agnès et Stéphane. Donc c'est un couple sur scène, mais aussi en privé. D'accord. C'est un duo au faux air des White Straps, mais en plus trash et en plus underground. Et en plus mieux. Et en plus mieux, carrément, ouais. Carrément. Et en fait, depuis peu, donc ils sont aussi sur le label Born Bad Records, comme Frustration. D'accord, ouais. Et en fait, depuis peu, ils ont, pour rendre le catalogue plus accessible, parce qu'ils sortaient que des vinyles, en fait, maintenant, ils sortent sur le support CD. Ok. Donc maintenant, on a plus accès, justement, toujours sur le même label. Hein. Voilà. Donc la formule, elle est simple pour Agnès, alias Adji Sonora, et pour Stéphane, alias Luke Verrato. La formule, c'est simple, c'est guitare, fuzz, voix, grosse réverb et batterie. Et ça marche très très bien. Et en plus, sur scène, on a le droit à des expressions cyniques, on a le droit à un show, mais vraiment visuel. Et ils sont que deux, mais ils envoient bien les deux, quoi. Ah bah ouais, ils envoient du lourd. Et franchement, moi, je les ai vus sur scène et j'ai mais kiffé ma soirée. Mmh. Quoi. Je me demande, c'est pas cette soirée où j'ai failli me prendre la tête avec une meuf au Mondo. Ah, je sais plus. Ah bah c'est possible. Ah mais je m'en rappelle, parce que Fanny a ce truc de, de pogoter, mais tout au fond de la salle, toute seule. Alors que si tu veux pogoter, déjà, va devant. Ouais, bon, ça va. Je me demande si c'est, tu vois, 2014, quand je revois la date, je non, me mais demande si c'était pas l'époque où j'avais une sorte de mon gros corset au niveau du si, dos, c'est là. C'est possible. Ouais, quoi, bah ouais. Voilà. Ouais, bah, mais je tu t'es pris la tête avec elle parce que tu l'as un peu poussée, et puis après, t'as son mec qui est venu me voir en me disant « Tu veux qu'on aille se piquer dehors ?» Je fais « Non, non. Enfin, c'est pas... » Non. Alors déjà, tu... À la rigueur, elles se démerdent entre elles. Et puis, non, c'était pas le but de ma soirée d'aller. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, si j'avais un truc à régler, voilà. Et puis, ça, en plus, on en a discuté après toutes les deux. Et voilà, je crois qu'on a même bu une bière, peut-être. Oh, je c'est sais possible, pas. Quoi. C'est ouais. possible. Bon, après, c'était le Mondo, quoi. Voilà, puis c'est le Mondo. Comme ça, quoi. Voilà, ouais, c'est exactement ça. Tu te fais bousculer, tu bouscules. Et puis après, tu vas boire des bières. Tu bois des shooters. Et puis, un mec qui dit on va se la foutre dehors. Et tu fais non, merci. C'est bon. Je passe une bonne soirée pour l'instant, donc ça va aller. C'est exactement ça. Mais merci de la proposition. Mais je refuse. Je décline votre proposition, messieurs. Mais je suis d'accord pour aller boire mais une bière. Mais tu sais que je l'aurais défoncé. Mais je sais, t'as encore tes bagues de frappe et voire même ton poing dans ta veste, toujours. Mais on ne parle pas de ces choses-là. Non, non, non. Des non, enfants non. écoutent. Non, mais je cette rigole, émission. En fait. Non, non, non, non, le mec était hyper baraque. Je me suis pris une droite directe. Le mec, il mesure quasiment 2 mètres. Oui, non, ça va. Ça donc maintenant, bah pogote devant. Voilà, je pogote devant. Voilà. Mais je crois qu'à l'époque, en 2014, je crois que j'avais des gros soucis de dos et c'est pour ça que je restais toujours à l'arrière. Ouais, exact, je me rappelle. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc là, bref, on va s'écouter The Magnetics, Time After Time. Et non, ce n'est pas Cyndi Lauper, c'est bien The Magnetics, qui est l'album sorti en 2005. Et vous allez juste kiffer. Bonne écoute. Thank you. kicking plaster while you ride, and I feel them in your back. Ah, ce petit trémolo sur la guitare, j'adore ça, quoi. Ça fait c'est trop bien. Bien. Ah ouais, ça décrasse. Et c'est un groupe donc, bah, qui s'élargit avec, avec les CD et qui fait aussi des, bah, des featuring, parce que ça ne s'appelle pas comme ça dans le Psycho. Mais par exemple, qui a fait venir le mec de Frustration. Oui, bah, ils sont sur le même label. Donc voilà, ouais, bah oui. Non, mais ils ont fait une participation et tout, tous ensemble. Mm. Voilà, donc ça fait plaisir de voir un peu la famille Bandar Records ensemble, ouais. Quoi. Ouais. Et avec moi, j'aimerais bien écouter ce morceau un petit, enfin, on remettra peut-être une autre fois un morceau un peu plus électro de Frustration avec Magnetics, qui vaut de l'or. Mais pour deux, enfin, ils envoient sur scène. Hein. Moi, je trouve que Et puis ils sont en couple, Agnès et Stéphane, depuis plusieurs années, et ils ont cette symbiose sur scène, c'est génial. Quoi. Ouais, ça se voit. Ouais. Un peu comme nous, Bibou, en fait. C'est ça, exactement. Derrière les micros. Oh là là, c'est oh là beau là. Ce que tu Mais tu es tout en beauté aussi ce soir. Qu'est-ce que tu veux? Moi, rien. Je viens de te faire du volet. Qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, rien. Ouais, je ouais, ne veux ouais. rien. Ok. Au fait, je voulais juste te dire quelque chose à l'antenne. Vas-y. Eh ben, bon anniversaire. Parce qu'hier, ça faisait 12 ans qu'on s'est rencontrés. Un Et vendredi oui. 13. Donc, bon anniversaire, Bibou. Ouais. Trinquons. C'est vrai, j'avais oublié de le dire. Eh ben tu vois, ouais. Mais c'est parce que tu es tout en beauté, tu peux pas tout faire. Qu'est-ce que tu veux? Et tu rougis. Bon allez, c'est bon, j'arrête. Allez, bon, je peux continuer? Bah allez, vas-y, oui. Allez, allez. On va s'écouter un petit morceau de The Rum Jack. Ah, excellent. Alors, Rum Jack, c'est un groupe de punk rock et folk celtique australien. Ah, ça c'est bon ça. Bizarrement, australien, originaire de Sydney, donc a été fondé en 2008. Le groupe se fait connaître mondialement avec leur single, je ne vais pas le dire maintenant, le morceau qu'on va passer après, qui compte plus de 51 millions de vues sur YouTube. Ah oui, quand même hein. Ah ouais, donc là, on est un peu dans l'air du temps, en fait, quoi, les groupes qui se font connaître sur YouTube. Ouais, j'avais noté un peu la bio, mais c'est un peu comme Sparky, tout à l'heure, oui. Que j'ai vu. Ouais, c'est un peu compliqué. En 2020, donc c'est assez récent, ils décident de se séparer de Frankie McLaughlin, donc un des fondateurs du groupe, parce qu'il a eu des accès de violence contre l'équipe technique et le public carrément lors d'une tournée. Genre quoi, il les frappe avec ses propres godasses? Je sais pas. Je sais pas. Bon bref, ils sont séparés de lui en 2020 et puis c'est un nouveau chanteur qui va prendre D'accord. Ah oui, qui OK. Qui a pris le relais. Mais on a dit qu'on parlait pas de trop. Mais je viens de le faire, donc c'est trop tard. C'est trop tard. Ah, bon bah tant pis alors. Ils sont tous tarés en fait ces gens-là. On coupera pas au montage. J'adore ce qu'ils font, mais ils sont tous tarés. Mais en fait, c'est le point commun en fait de tous ces groupes en fait. Ils ont tous un côté un peu barré quand même. Ben ouais, et dans la polka, dans le monde de la polka, il n'y a pas ces soucis-là en fait. Je suis pas sûre de tu ça. Tu penses? Parce que j'ai trouvé des groupes de polka. Il y a beaucoup de problèmes d'alcoolisme, de voilà. Mais pas de violence, bah, je crois pas. Je suis pas sûre de ça. Hein, je suis pas sûre de ça. Il ben, y a un groupe de polka. Ouais, on se fera une qui s'appelle polka. Polka Polka. D'accord. Polka Polka Polka. Ouais, ouais, ouais. Polka Mon Amour. Twist Polka. Bon, on fera une émission spéciale ah, polka. Ça nous est beaucoup demandé, je reçois beaucoup de DM. C'est vrai, et c'est la vrai. Polka, la vous polka, parlez pas de polka, ouais. Qu'est-ce que vous avez contre ça? On fera un truc spécial polka. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on va écouter quoi? On va s'écouter le morceau An Irish Pub Song. D'accord. Des Rum Jack sur l'album Gang of New Holland, sorti en 2010. Ah, un petit régal. To go with the wall, a hurl, a stick in the shinty bowl, a brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish pub. Patrick's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness, pint, a cabbage, crap, the eye, don't wanna be paddy trap, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, to swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, so lock and burst your filthy mug. If you draw one more shot, fucking me beer. We'll raise the price of beer a dollar. We'll make you wear a shirt and colour. We'll fry your body tricolour and colour an Irish pub. The Jager bombs and double shots. The underagers think it's toast. We'll spike the drinks and pay the cost. We got us an Irish pub. The quick run in the filthy bog. The patent grass across the lug of the lady. Oh, the dirty dog. We got us an Irish pub. It's over to me. And over to you. We'll skip along the avenue. And who the hell is running through? We got us an Irish pub. Quiet, I'll be fucked. I swear upon the holy book. The only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked. You'll offer first, you filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me beer. They can pick the fights, we'll call it an Irish pub. Plastic cups are polished for all. We'll hold the blood right out that door. I'll let the knuckles back for more. We've got us an Irish pub. Well, I'll be fucked. You swear upon the holy book. The only crack you'll get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked. You'll up and burst your filthy monk. If you draw one more shot, I'll give me beer. Own. Kiss me, I'm Irish, Molly Malone. A bunch of slants, a punk, my home. We got us an Irish pub. Split the punches, trick the willows. Strike me up, the rakes are mellow. The lift, he never runs so shallow. We got us an Irish pub. Well, I'll be fucked. You swear upon the holy book. The only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked. You'll offer first, you filthy mug. If you drop one more shot, I'll give me beer. C'est trop cool. Grave. C'est trop cool. Et pendant le morceau, pardon, tu me disais j'ai envie d'une Guinness et je suis assez d'accord. Ouais. Ou même juste une bonne bière blonde, mais faire tomber le whisky dedans. Une brune, là. Ah oui, d'accord. Ah, oui, et oui, de faire tomber le whisky dedans. Oh putain, le truc qu'on faisait au Shamrock, là. Ouais. Mais grave. Moi, j'ai envie de ressortir ma gapette, ma petite chaîne au niveau du portefeuille, quoi. Ma petite chemise à carreaux. Ah, allez, refaire pousser les pattes, là. Ah ouais, mais c'est prévu. Ouais. Ah là là. Il y a un petit côté Dropkick Murphys. Ouais, mais justement, c'est ce que je te disais, c'est incroyable parce qu'ils sont australiens et ils ont cette empreinte quand même que tu retrouves chez les Dropkick Murphys, qui sont eux plus anglais. Mais c'est ça. Alors j'avais lu que leurs parents, je crois, avaient des origines celtiques. D'accord. Et eux se sont intéressés au punk en Australie, donc du coup ils ont fait une sorte de mélange entre les deux et en tout cas, ça a donné ça. Bah ça dépote quoi. Ouais. Franchement, c'est cool quoi. Et c'est vrai que tu sens Enfin, un concert avec Rum Jack et Dropkick Murphy, mais il faut signer où pour y aller, quoi. Alors, le clip est marrant parce qu'ils commencent à boire des bières dans un pub irlandais, et puis à la fin, tout le monde se fout sur la gueule, quoi. Donc, ça ne se finit pas toujours comme ça, non plus. Dans la polka, ça ne termine pas comme ça, bordel. Faut que t'arrêtes avec cette polka, quoi. Bon, moi, je voulais vous parler de quelque chose, mais j'en parlerai après. Du coup, je vais vous mettre un petit morceau de Révérend Beatman. Ah, Révérend. Mon petit Révérend. Ah, grave. Alors, lui, on l'a vu au Mondo. Oui. On l'a vu deux fois. Ou une fois, deux fois, peut-être. Bah, on l'a vu deux fois sur deux noms de groupes différents. Voilà, c'est ça. Et en fait, il passe souvent au Mondo. Entre autres, il est passé au 9e anniversaire du Mondo pour la soirée Hell's Crack le 15 janvier 2011. C'est vraiment limite un habitué en fait du Mondo, quoi. On est toujours sur le One Man Band depuis toujours. En fait, il a toujours fait ça. Il a commencé en 1980. Il faut savoir qu'en fait, que ce monsieur, Bitzeller de son vrai nom, suisse, il voulait être dessinateur de comics. Oui, j'avais lu ça. Ouais, ouais, mais en fait, il a vu Motörhead en concert à la télé sur une émission allemande. Et du coup, ça a changé tous ses projets. Alors, il n'a pas fait d'études, il n'a rien du tout. C'est un autodidacte dans la musique. Il a toujours fait de la musique et il en fera toujours. Il a fait des petits boulots de merde comme tout le monde. Il a formé The Monster en 86. Et là, en ce moment, c'est le batteur des Dizoros. C'est un groupe qui est toujours produit par Voodoo Rhythm Records. Il a 9 albums à son actif et une vingtaine de singles. Voilà. Donc moi, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie pour son... déjà pour la personne qu'il est, parce qu'il est hyper accessible. On l'a croisé en dehors du mondo. Et puis, il est très théâtral dans ses clips. Et l'année dernière, au mois de mars, il nous a sorti Fuck the Virus chez lui, confiné. Donc voilà, il a fait Fuck the Virus, Coronavirus. Donc voilà. Mais ce soir, on va s'écouter Reverend Beatman, I See the Light, de 2007, qui vient de l'album Survival Folk Blues, Gospel Trash, volume 2. C'est parti. I got a mother. I got my mother. And my mother, she has a father. And this father had a sexual relationship with my grandmother. And they made a child. And this child from my father and my grandmother had sex with my brother. Because my brother, he was a homosexual, but had a sexual relationship with my mother, and they had a child as well. And this child is now the father from my brother, and the brother is the sister from my grandfather, and the grandfather is the brother from my other sister. I see the light. I see the light straight in my head. I see the light blowing my head. My daughter, my other niece, and my sister, and the grandfather from my other brother. Me, my two children, my girlfriend, my ex-girlfriend, and the boyfriend from my ex-girlfriend. We live in one house together, and we have sex together. Agreement, 24 children. Children are all my brothers. I see the light. I see light straight in my eyes. I see light blowing my head off. Yeah, yeah, calls Satan, Satan. And my mother said, oh please, Satan. Give me my son back. He was such a good boy. I gave him my breast. I learned it to God. I gave him everything I had. Please, Satan. My son back. And Satan said, yeah, you'll have to. And my mother said, oh please Satan, I sent you to school, I learned it to talk. Oh please Satan, I love you so much, please give me my son back. And Satan said, I got your soul. I got your soul. c'était le révérend Bittman. Ah, ça fait du bien. D'ailleurs, je t'ai dit, hein, si un jour on doit se marier, je lui envoie un message. Je lui en avais parlé. Bah justement, je voulais t'en parler parce qu'en fait, c'est un mec adorable avec qui on a bu une bière avant son concert. C'est ça. D'ailleurs, très bizarre parce que c'est un mec tout gentil, tout adorable, doux. Avec une toute petite voix, tu sais, qui parle comme ça. Ouais, non, mais pas comme ça. Il parle normalement, mais. Il a une voix assez aiguë. Enfin, non, pas, un peu aiguë, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que quand on parle avec lui et qu'après, genre 20 minutes après, tu le vois sur scène, il met sa mèche et qu'il te crache Jesus Christ, ouais. Tu fais waouh, c'est pas la même personne. Si, si, c'est la même personne. Et tu lui avais demandé de nous marier parce qu'en fait, il faut expliquer qu'il est, réellement révérend, en fait. Quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Il est, il est assermenté. Exactement. Il est assermenté pour marier les gens et je lui avais dit sur le ton de l'ironie, mais si un jour on se marie, je peux vous envoyer un mail. Mais il m'avait dit oui. Mm. Et si ce jour arrive, je lui enverrai un mail parce que je me dis, ben, quitte à avoir quelqu'un qui fait de la musique, ben, moi je veux bien payer pour avoir un révérend. Et il me marie et il fait la musique à mon mariage, mais moi ça va être le mariage parfait quoi. Ça va faire plaisir à la famille. Tout ah quoi, ouais, pense, la famille, elle va être contente. Ouais. Ouais. Ah ouais, ouais, grave. Que du rock-up et des trucs qui arrachent toute la soirée. Ça va être trop bien. Un petit bizarro pour finir. Et puis... Un petit bizarro et Oli. Allez, bim. Est-ce qu'on s'écoutera pas le dernier morceau? Allez, le petit dernier. Et puis après, par contre, on risque de casser le rythme parce qu'on... Voilà, donc c'est un épisode hommage au Mondo Bizarro. Donc on a prévu quand même quelques petits... Ben, en plus de tous ces petits morceaux... Ouais, t'as un petit truc à faire, ouais. Ouais, j'aimerais bien parler de Bruno. Et puis après, t'avais aussi prévu une petite interview, je crois. Carrément. Ouais. Voilà. Donc là, on va s'écouter le petit dernier. Eh ben, on va s'écouter The Monster. The Monster, on va rester un petit peu dans Révérend Bittman, parce que Révérend Bittman... c'est le fondateur. C'est le fondateur du groupe The Monster. Tout à fait. Qui est un groupe de psychobilly, punk, garage, trash. Vu bon, après, aussi au Mondo. Vu aussi au Mondo. Donc, c'est un groupe suisse formé il y a plus de 30 ans. Tout à fait. Avec Révérend. J'ai pas noté énormément de choses. Il y a une petite particularité assez marrante avec ce groupe. C'est qu'ils font parfois ce qu'ils appellent un clown drum. Un clone drum, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, en fait, il y a deux batteurs qui sont installés face à face autour d'une unique grosse caisse. Donc, il y a deux batteurs sur la batterie. D'accord. La littérature, j'ai noté ça, ouais, la littérature du révérend est assez sale, c'est débile, c'est malsain, mais ça sert surtout à hurler très très fort. C'est ça. Et là, on va bien le voir dans le morceau qu'on va écouter. Tu sais que pendant sa carrière, en fait, Révérend, il a tellement tout donné au niveau de sa voix, au niveau de l'expression scénique sur scène, avec The Monster ou avec lui tout seul. Ouais. Pendant un an, en fait, le médecin, il a eu des gros problèmes, il a perdu sa voix. Oui, j'ai entendu. Déjà, ça, il a eu des gros problèmes de dos. Et les médecins lui ont dit, c'est simple, soit vous arrêtez tout de suite pendant un an, soit vous allez mourir. Ouais, ouais. Donc, il a dû mettre tout en suspens. Et il a fait d'autres trucs à côté, hein. Il a fait des petits boulots de merde pour survivre, parce que bah, comme tous les artistes, ils ont du mal à vivre de leur musique. Mais c'est vraiment quelqu'un qui donne tout. Quand on dit qu'il donne tout sur scène, oui, il donne tout sur son public, il gueule sur son public. Bah, il donne sa vie à la, ah, à complètement, la musique. Complètement, ouais, ouais. Et ça se voit quoi, ça se voit. Complètement, oui. Donc là, on va s'écouter quoi, mon Bipou ? On va s'écouter le morceau It's Rock'n'Roll des Monsters. Ah, yes. Sorti sur l'album It's Rock'n'Roll aussi. Un peu, oui. En 2006. Un petit éponyme, quoi. Et voilà. Cause I know we're tracking. Ah bah oui, ah bah ça fait comme dirait péremptoire, ça débouche les artères. Ah, c'est clair, ça débouche les artères. On n'a pas eu de nouvelles de ce punk à chien d'ailleurs. Je crois qu'il est re en garde à vue. Ah bah voilà, et ses chiens. Je sais pas du tout. Ah bah voilà. Je sais pas du tout. Personne ouais. s'inquiète pour les chiens. Ah ouais. Et oui, le Mondo Bizarro est devenu nos futurs Mondo Bizarro. Mm-hmm. Et oui. Pourtant, c'était bien parti, mais bon, le Covid a eu raison de tout ça. Alors, Bruno Perrin, c'est quand même un mec qui a acheté son premier vinyle à 11 ans des Sex Pistols. D'accord. Il a trois frères et il a été initié à la basse par la fratrie. Le fan des Ramones se lance en autodidacte dans le grand bain. Et avant d'officier dans les TV Men et les Trotskids, c'est une affaire de famille là aussi. Il crée les Gunners en activité pendant 10 ans, en 88 jusqu'en 98. Ok. 500 concerts et 3 albums plus loin, le René a eu le temps de tisser un réseau de groupes, notamment allemands, polonais et tchèques. Mmh. Une étrange lueur à l'est qui ne l'empêchera pas de devenir par la suite le tourneur de groupes prestigieux et complètement à l'ouest. Comme les Fishbone, les Californiens viendront jouer au Mondo Bizarro en 2003. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était au mois d'août, en pleine canicule, la salle était bondée, nous dira Bruno, dans Les Rennais, paru en janvier-février 2021. Okay. En 98, il y a eu la loi anti-bruit qui réduit les tontons flingueurs au silence, mais Bruno ne l'entend pas de cette oreille. Il avait plein de groupes à faire tourner et il a eu vent de la vente donc, de ce bar de quartier qui s'appelait à l'origine la Baleine Bleue et dont la sauce kérosène, qui deviendra Cafioul plus tard, louait la salle. En parallèle, le rocker développe une forte radioactivité en animant une émission de ska punk sur Radio Savane, puis Punkorama sur Canal B, qui est devenu depuis une institution hertzienne rennaise. Il est un des doyens de Canal B. Il s'étonne encore de la... Il s'étonne encore de tout ça. Voilà. Bruno, c'est pas que le Mondo, c'est aussi de la musique. Sa vie, c'est la musique. Ah quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Ouais. Et même s'il ferme le Mondo maintenant et qu'il... Et peut-être que bah, peut-être qu'il va nous ressortir quelque chose. Il a peut-être un autre projet qui fait que... Le Mondo ferme. Il va déjà faire une petite pause parce que là, je pense qu'il ouais, en a besoin. Ouais, ça fait beaucoup d'émotions en très peu de temps, mais peut-être qu'il y a un autre projet derrière et on n'est pas encore au courant. Ah, tu sais que je me souviens à la fin d'un concert d'avoir parlé avec lui pendant quasiment un quart d'heure. Ouais. J'en ai aucun souvenir tellement j'étais sous. Mais j'ai discuté avec lui, il a dû m'expliquer plein de trucs sur le Mondo. Mais bon. Bruno, si t'écoutes ça, désolé. C'est clair. En tout cas, on a passé vraiment de super bons moments au Mondo Bizarro, et ton endroit va nous manquer, l'ambiance, la chaleur humaine qu'il y avait là-bas, les barbecues qui étaient organisés dans le petit jardin, et franchement, oui, ça va nous manquer. Donc, Pour les gens qui ne sont pas rennais, qui ne connaissent pas trop le Mondo, évidemment, c'est une toute petite salle, en fait, quoi. C'est pas non plus une grande salle de concert. Ouais, c'est, mais il y a un petit jardin aussi où il y avait des barbecues qui étaient organisées. Et, ouais. Donc, puis Mondo a fait sa répute, même au-delà des frontières et même en France. Nous, on avait rencontré Titi qui habite dans le sud-ouest, au Pays Basque. Et quand on l'avait rencontré au Poire en Bretagne, il nous avait direct parlé du Mondo Bizarro, quoi. Comme quoi, pourtant, il n'était pas venu à Rennes. Quoi. Ouais, donc, non, mais oui, oui. Tout le monde connaît le Mondo, quoi. Donc c'est vraiment le haut lieu, et j'espère que Bruno a d'autres projets et qu'il va nous étonner de ses futurs projets. Exactement. Voilà. Et même s'il n'en a pas, il aura créé quelque chose d'assez fou sur Rennes. Exactement. Et rempli de souvenirs pour beaucoup de gens, en fait. Tout à fait. Exactement. Ouais. Et bien, si on lui laissait la parole, justement. Eh bien, je pense que oui. C'est le ça. Bon moment. Allez, ouais, Bibou. J'ai récupéré une petite interview assez rapide. Bon, ça dure 4 minutes, mais on... Je pense qu'on va peut-être... Ouais, on va s'écouter quand même. Bruno qui parle un petit peu du Mondo Bizarro. Et puis on se retrouve après. C'était vraiment une aventure vraiment exceptionnelle et une grosse partie de ma vie que j'oublierai jamais. Je pense que les gens vont garder toujours un certain souvenir du Mondo Bizarro, je pense. eu Bruno Perrin, le gérant du bar concert Le Mondo Bizarro. J'ai pris la décision de vendre, j'ai pas de regret en fait, je passais à autre chose dans ma tête. Donc je suis en accord avec moi-même, il n'y a pas de souci. Alors j'ai choisi d'ouvrir Le Mondo en début des années 2000 parce qu'il n'y avait plus de lieu vraiment pour accueillir des concerts à musique amplifiée, rock, punk rock, metal ou autre. Il n'y avait plus grand chose, plus rien du tout, même à Rennes au début des années 2000. Et moi j'avais beaucoup de groupes que je faisais tourner à l'époque. Donc il fallait absolument que je leur propose une scène sur Rennes. Et j'organisais pas mal de concerts aussi avant, et comme il n'y avait plus rien à Rennes, j'ai décidé d'ouvrir mon propre lieu pour pouvoir faire jouer tous les groupes que je voulais. 19 ans de Mondo, c'est beaucoup de travail forcément, beaucoup de fiesta aussi, beaucoup de groupes, beaucoup de concerts. Voilà, c'est un rythme surtout, un rythme effréné. Et maintenant je me dis que j'ai bien fait d'arrêter, parce que après les périodes de... sans activité, confinement, là je me dis que je ne sais pas si j'aurais été capable de reprendre ce rythme effréné comme j'avais avant avec tous les concerts. Des fois 4, 5, 6 concerts par semaine, des fois, donc c'est vraiment beaucoup quoi. Mais bon, le lieu était dédié à ça, donc il fallait faire le plus de concerts possible pour pouvoir faire vivre Le Mondo Bizarro. Le seul regret, c'était quand même de vendre comme ça en étant fermé comme tous les autres bars. Pas pouvoir rouvrir, alors je sais pas si je pourrais rouvrir le bar une dernière fois avant la signature effective de la vente, d'ici 3 mois je pense, mais voilà, donc le regret c'est de pas pouvoir faire un dernier grand baroud d'honneur, une dernière grande fiesta ou concert avec la clientèle. Et mais par contre j'ai pas de regret d'avoir vendu, enfin de vendre, parce que c'est mort pour les concerts, hein. Le lieu est dédié aux concerts, et sans concert, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Un des très bons souvenirs que je garderai avec Le Mondo, c'est déjà beaucoup de groupes qui sont venus et avec qui je garde le contact, et notamment, je pense, une personne en particulier, Roberto Piazza, alias Little Bob, Little Bob Story. Un grand rocker devant l'éternel, havrais, d'origine du Havre donc, et qui est venu jouer là plusieurs fois et avec qui je garde le contact régulièrement. Des fois il m'appelle, pas pour prendre une date, mais juste pour donner des nouvelles et tout. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très, très adorable quoi, et qui est vraiment passionné par ce qu'il fait et qui est très très humain, Little Bob. Je voudrais remercier évidemment toute la clientèle, les plus fidèles qui viennent, il y a des gens qui sont venus quasiment à tous les concerts, peut-être pas tous quand même, mais remercier toute cette clientèle qui soutient et qui soutient encore Le Mondo. Hein. Il y a encore beaucoup de messages de France et de l'étranger. Merci évidemment à tous les groupes qui ont joué. C'était vraiment une aventure vraiment exceptionnelle et une grosse partie de ma vie que j'oublierai jamais. Je pense que les gens vont garder toujours un certain souvenir du Mondo Bizarro, je pense. Merci à tous. Et tout le monde garde son propre souvenir du Mondo. C'est clair, ouais. Donc à tous ceux qui sont venus, qui ont vu et qui ont bu au Mondo, ben voilà, bah, c'est fini, c'est la fin d'une époque et ciao l'artiste quoi. Ouais, je suis très content d'avoir fait cette émission pour rendre un petit peu hommage à cette salle de concert. Ouais, rendre hommage à Bruno, à tout son travail, parce que comme il le dit dans l'interview, c'est pas tout repos d'enchaîner 5, 4, 5, 6 concerts à la semaine. C'est aussi hyper éprouvant. Donc c'est là, je pense que le fait de te retrouver confiné au repos, là tu dis putain, mais quel rythme soutenu j'avais de fou. Ouais. C'est vrai que de reprendre après tout ça, ça doit être très très compliqué. Bibou, on arrive à la fin de l'émission. Et oui, on arrive à la fin du Mondo. Parce que là, dans l'émission, ils disent dans 3-4 mois pour ouvrir, pour dire au revoir à tout le monde, ça va être compliqué. Mais le Mondo s'arrête là, début avril, en fait. C'est fini. Et on va finir sur un petit groupe. Oui. Des amis de Bruno, d'ailleurs, qui viennent de Londres. D'accord. Qui lui ont écrit une chanson. La classe. Ouais. Qui est sortie fin 2020, quand ils ont su que le Mondo était fermé. et ça s'appelle Adieu Mondo Bizarro. Mmh. Je vous mettrai les liens si vous voulez, tout ça, si vous en avez besoin, vous m'envoyez un MP, il n'y a pas de souci. C'est un hommage en fait au Légendaire Club, donc, qui marque sa très triste fermeture, mais aussi l'énorme perte pour la musique live sur Rennes. Voilà. Et oui. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à aller regarder la vidéo parce que vous allez avoir tout un montage de photos et de souvenirs du Mondo qui sera dedans. Et on va s'écouter Guitar Gangster, Goodbye Mondo Bizarro. Et là-dessus, Bibou, je ne parlerai plus. Je te dis à bientôt. À bientôt. À bientôt, Bibou. Et merci bientôt pour cette. Tout le monde. À bientôt. Ouais. Bonne écoute de Guitar Gangster, Goodbye Mondo Bizarro.